Som har äppat bryst, de läste mig hem. Måndag vi har bröder. Nålen upp i de bröderna som tog. Amazing, guys, yo. Amazing. Trop fort, vous êtes trop fort, juste trop fort, voilà, c'est ça. May I press the magic button once more? Et le bouton magique nous propose si mineur. Ça nous va? Est-ce que ça nous va? Est-ce que ça nous fit? Ah non, rien à voir. On a le droit de dire non. Hi. Really? Don't think so, because I'm not proud of what I'm making. As soon as... Thank you.

Et tu vois, quand je faisais le truc tout bête, donc à la basse, et que tu faisais genre la pédale bête au synthé truc, et que tu faisais le mouvement d'accord, c'était super. C'était extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu faisais pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, tout droit, genre en pédale, et toi tu faisais le mouvement d'accord. C'était super. C'est trop bien. L'ensemble, hein, pas ma proposition est simple. Je propose ce challenge. Thank you.